AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Et voici maintenant, pour la première fois au Montmartre, la femme la mieux déshabillée de Paris, la belle Elena. Les clichés, garde-les précieusement. Hein. Ça peut faire un joli petit paquet de fric. Puis comme ça, tu débarrasses de la fille. J'ai beaucoup insisté, monsieur et madame ne reçoit jamais d'aussi bonheur. Tu avais dit que c'était grave. Au cette heure-ci, monsieur, ce qui est grave pour madame, c'est son massage facial. Puisque je vous dis qu'un grand danger menace la nièce de madame de Breul. Cette voix masculine, c'est celle de Sam. Et le film dans lequel il joue s'appelle Mademoiselle Striptease. C'est un film proto-érotique de 1957. Et je crois qu'il n'est pas très intéressant d'un point de vue cinématographique. Mais je vous avoue que ça ne m'arrive pas tous les jours de découvrir un film de striptease qui a été produit par mon grand-père et écrit par ma grand-mère. Pénible que soit la vérité, je dois vous la dire. Votre nièce fait un numéro de striptease. Pardon ? Un numéro de striptease. Sur une scène. Dans une boîte de nuit. Ah, le voilà ! Si je suis tombé dessus, c'est à cause de Sam. Ou plutôt, c'est à cause d'une promesse que j'ai faite à ma grand-mère. Il y a bientôt 2 ans. Et cette promesse, c'est celle de se souvenir de Sam. Je suis Antoine Tricot, et c'est Séverine Cassard qui réalise cette série. Premier épisode, la pochette rouge. Tout a commencé avec une pochette en carton rouge, élimée, que j'ai retrouvée chez ma grand-mère. Dessus, il y avait écrit 3 lettres. Sam. Elle y avait rassemblé toutes les traces de la vie de ce peintre d'origine juive polonaise dont elle m'a tant parlé. Mais à 98 ans, sa mémoire s'est étiolée. Bonjour Alice. Bonjour. Comment ça va? Je te réveille, je suis désolée. Je dors. Ça va bientôt être l'heure du goûter. Oui, gentil. Attends. Je me mets sur mes pieds. Non, reste tranquille dans ton... Elles vont t'apporter un gâteau, les dames. Voilà. T'as pas à bouger, hein? Tu es gentil. Tiens, tu vas avoir un goûter. Un petit verre de jus. Oh, c'est gentil. Un petit gâteau. Merci. J'ai de la chance. Ah bah, t'as toujours bien aimé ce qui est sucré. Tu te souviens si tu en mangeais quand t'étais petite, des madeleines? Non. Non. Alors, lorsque je viens la voir ce samedi après-midi d'août 2021, dans une maison de retraite de la région parisienne, je lui rapporte 4 photos qui étaient dans la pochette rouge. Dessus, on voit les tableaux de Sam que ma grand-mère a gardés. Fais voir. C'est des photos des tableaux de Sam. Ah oui. Est-ce que tu te souviens de Sam? Sam Endel. Ou Sam Mandelbaum. Mandelbaum, oui. Tu t'en souviens? C'était un immigré. Ils étaient recrutés à l'Est, quoi. Sa famille était polonaise. Oui, c'est ça. Il avait été déporté, évidemment. Comme tous les Juifs. Oh là là. Et ça, c'était quoi? Tu veux que je te le lise? C'était une toile. Tu as marqué Sam Endel. Peintre français déporté à Auschwitz, toile d'environ 30 voilà. cm par 20 cm qui s'appelle L'écuyère. Et là? Ça, c'est un concert de jazz. C'est vrai que c'est un peu plus cubiste, on voit un peu moins. C'est une cave à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Tu vois la trompette et là le pianiste? Oui, voilà. Et ça, c'est des religieuses. Voilà. Dans Paris. Et ça, c'est une cour. C'est la cour du lycée Henri IV, à côté de laquelle il habitait apparemment. Enfin, c'est toi qui me l'avais dit, qui voyait ça de son appartement. Voilà, c'est les 4... Impressionnant. C'est les 4 tableaux que tu as chez toi. Ça, c'est dans les années 50 qu'il peignait ça. 1950. Voilà. À Paris. Quand toi, tu y es arrivé aussi un peu, t'es arrivé un peu avant. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de comment était Sam? Ah oui. Je m'en souviens bien. Il était comment? Il était plutôt beau. Il était préoccupé. Pourquoi il était préoccupé? Parce qu'il voulait vivre. Il voulait pas être un chiffon. Il trouvait de l'aide dans le peuple. Les gens comme Sam. J'ai une photo sur mon téléphone de Sam. Est-ce que tu veux la voir de lui? Regarde. C'est Sam. Voilà. C'est bien lui. Est-ce que tu te souviens comment vous vous êtes rencontrés? Non. J'ai oublié. Ça arrive. Oui, mais j'ai oublié. Sam Hendel. Je me demande pourquoi Sam a été si important dans la vie de ma grand-mère, au point qu'elle se souvienne encore spontanément de son nom d'artiste, alors qu'elle a oublié ses combats féministes, son travail de rédactrice au Sénat ou bien ses propres ambitions de peintre et de poète. Dans la pochette rouge, elle avait conservé deux photos de Sam, un bref article sur sa peinture, une lettre qu'elle avait adressée au cimetière parisien, un certificat d'inhumation et le tapuscrit d'un article sur Sam qu'elle avait écrit elle-même et publié en 1998 dans la revue Les Temps Modernes. Est-ce que tu te rappelles que tu avais écrit un article sur Sam ? C'est possible. Parce que j'ai retrouvé ça, regarde. J'avais fait des recherches. Sam, Alice Colanis, Les Temps Modernes, numéro 599, 1998. Il faisait un peu partie de notre vie. Il apparaissait de temps en temps dans notre décor. Il était peintre. Il s'appelait Sam. Il y a quelques jours, j'ai voulu savoir. Je connais maintenant sa date de naissance, 26 octobre 1923, et la date de son arrestation par la Gestapo, 15 mai 1944, à Paris. Drancy, puis à Auschwitz. Les recherches effectuées dans les cimetières parisiens m'ont donné la date de sa mort, 11 janvier 1988, et de son incinération, 26 janvier 1988. Les cendres ont été dispersées au cimetière du Père-Lachaise, au Jardin du Souvenir. 11 janvier 1988, tu te rends compte? C'est un mois avant ma naissance. On l'a incinéré. J'ai connu Sam 3 ou 4 ans après son retour d'Auschwitz. Il parlait de tout et de rien, de libération sexuelle, de peinture. Il était devenu peintre comme l'avait été son père en Pologne, avant de se réfugier en France. Je ne sais plus où j'ai rencontré Sam. Est-ce chez Marie-Rose, artiste en bijoux et militante de gauche, ou chez son amie Mimi, que j'avais gardée un soir parce qu'elle était malade? Il est des gens qu'on a connus et qui s'enfoncent dans des lieux de silence vertigineux. Qu'est devenue Mimi, qui habitait alors avec Sam tout près du lycée Henri IV, rue de l'Estrapade? Je ne sais même plus son nom. Il parlait de peinture, de libération sexuelle. C'était la mode à l'époque. On avait fini de parler, si tu veux, de victimes, de tout ça. On parlait de libération sexuelle. On parlait de l'évolution des groupes humains, tu vois. C'est formidable que tu aies gardé tout ça. Et toi, tu as eu une histoire avec Sam ou pas? C'était un amoureux? Non, non, non. C'était politique. Et puis c'était artistique, parce que tu faisais de la peinture. Ah, voilà. Artistique et politique. Nous trouvions qu'il devenait un très bon peintre. Et comme il touchait une pension de déporté, il s'est installé dans un bel atelier rue Ordener. J'ai vu dans cet atelier des toiles magnifiques. Il les a détruites. Il s'était mis en tête de dicter des choses sur un superbe magnétophone fraîchement acquis. Pour mieux dicter, pour se tenir éveillé, il prenait des drogues. C'est pour ça qu'il a vu Jésus-Christ tout à coup, sur la paroi. Alors il s'est jeté sur la verrière qu'il a fait éclater à coups de poing. Sang, flot de sang, police secours, hôpital, puis placement en psychiatrie. Sommes-nous un rêve? Un être humain est-il à ce point devenu une ombre, l'ombre d'une ombre, avec personne pour se souvenir de son histoire? T'es vraiment un ressuscité, ça. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? C'était un ressuscité. d'un monde qui était vraiment complètement écroulé, quoi. Moi, j'aime beaucoup ta conclusion de ton article. Est-ce que je peux te la relire à la fin? Vraiment, elle m'a beaucoup touché. Sommes-nous un rêve? Un être humain est-il à ce point devenu une ombre, l'ombre d'une ombre, avec personne pour se souvenir de son histoire? C'est vrai. Et je trouve ça très beau, ce que tu m'as... C'est vrai, ça. Ici, là. Ah oui. Ce temps-là aussi est parti comme une feuille d'automne. Et je me disais, t'as fait une très belle enquête pour savoir où et quand il était mort et comment il était mort. Et je me disais, peut-être je devrais faire une enquête pour savoir comment il a vécu, pour savoir plus de choses sur sa vie. Tu vas le faire, toi? J'aimerais bien. Ah oui, fais-le. Tu penses que c'est une bonne idée? Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Tu vas trouver des archives, hein? Je vais essayer, oui. Chez les historiens, tu vas trouver des archives. C'est très bien mon article. Nous l'aimions bien, mais ce temps-là aussi est parti comme une feuille d'automne, parce qu'il jouait un rôle. Il jouait par-dessus sa vie détruite. Et même quand il peignait, quand il faisait l'artiste, il y avait quelque chose en dessous. Il promettait à ma fille de lui apprendre à dessiner. Cela ne s'est jamais fait. Après les tableaux, donc j'ai celui-là, parce que peut-être tu veux les prendre en photo, ceux-là. Ah oui, c'est le tableau de Sam, c'est les chevaux, c'est ça? Les chevaux, c'est un tableau qui est magnifique. C'est des chevaux très stylisés, mais tous en mouvement. Il y en a 6. On sent que c'est un premier jet. Il n'y a que des ombres et de la lumière, et tu les vois cavaler, quoi. J'adore ce tableau, je l'ai toujours adoré. C'est pas travaillé, quoi. C'est impulsif comme peinture. Mais Alice disait qu'il n'était pas venu tout de suite à la peinture. Ah oui, pas du tout. Mais je pense qu'il est né dans la peinture, hein, faut voir ça. Son père étant peintre, tu vois peindre quelqu'un tout le temps, tu sais quoi. Comme moi, quand j'étais petite, je voyais maman peindre et pour moi, c'était ma première écriture. Et en fait, lui, il avait, je pense, acquis des tas de choses de son père sans le savoir. Mais quand il avait 18 ans, il était plutôt dans une jeunesse un peu mouvementée ou excessive, où il faisait des soirées, où il ne cherchait rien à l'école. Et puis il a été chopé par la Gestapo dans ce mouvement-là, quoi. Mais il ne peignait pas du tout, il n'avait même pas l'idée, il avait que l'idée de s'envoyer en l'air, je pense. Et c'est après que ça lui est revenu et il a été mis à l'étrier par Marie-Rose. Là, j'ai retrouvé donc dans la bibliothèque d'Alice là, une chemise avec marqué Sam dessus. Il y a beaucoup de choses sur Auschwitz là-dessus. Ouais, c'est un mélange. C'est à la fois l'article qu'elle a écrit là, dans Les Temps modernes, en 98. Et après, il y a les recherches qu'elle a faites, notamment pour retrouver l'acte de décès. Si tu veux, tu peux lire cette lettre. Mes enfants et moi avons perdu de vue un peintre de talent nommé, je crois, Sam Mandelbaum ou Samuel Mandelbaum, mais qui signait ses œuvres Sam Handel ou simplement Sam. Ce Sam avait par la suite fait une grave dépression nerveuse avec séjour en hôpital psychiatrique suite à sa propre déportation en Allemagne. Nous avons appris par hasard qu'il avait été recueilli par une personne nommée Rolande de Pape, ancienne institutrice, elle-même très fragile psychiquement, qui habitait avec lui au numéro 59 de la rue de Froidevaux, dans le 14e. Nous rendant à cette adresse le 11 juin 1996, nous apprenons par une voisine que Rolande de Pape est morte depuis 2 ans et que Sam s'est suicidé 8 ans auparavant. Il n'y avait apparemment plus personne pour s'occuper de lui et l'on ne sait plus rien. Peut-on savoir où et dans quelles conditions il a été enterré? Roland le Pape avait peut-être laissé des instructions. Je vous remercie très vivement. Elle écrit au service central des cimetières. Et on ne lui a pas répondu. Si, si, regarde, il y a la réponse. Comme suite à votre lettre du 12 janvier 1998, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les recherches effectuées dans les cimetières parisiens ont permis de trouver trace de l'incinération de Mandelbaum Samuel à la date du 26 janvier 1988 au cimetière du Père Lachaise, 16 rue du Repos. Vous trouverez ci-joint copie du certificat d'inhumation. En fait, j'ai des visions fugitives de Sam, mais j'ai pas de date du tout dans la tête. Je m'en souviens comme un grand maigre avec les cheveux en bataille et frisés, assez osseux, avec des grandes enjambées et qui faisait des tas de mouvements en parlant. Tu sais si tu l'as connu dès toute petite ou c'est à un moment donné dans ton enfance qu'il a commencé à venir ? Moi, je dirais que c'est vers 5-6 ans, quand on habitait le 14e rue Vercingétorix. Je pense pas l'avoir vu après mes 10 ans. J'en ai aucun souvenir. C'était avant mes 10 ans. Donc finalement, c'est le début des années 60 jusqu'à 65. Voilà, puisque je suis née en 54, donc je pense que c'est à cette époque-là. À quelle occasion Sam venait chez vous ? Quand t'étais petite ? Il venait souper. Il venait le soir. C'était toujours le soir. Moi, j'adorais quand il venait à la maison, hein, parce que ça changeait un petit peu du quotidien. Et puis, j'aimais déjà la peinture, donc pour moi, c'était un modèle. C'était un repas qui était gai, parce qu'on parlait peinture, en fait. On parlait peinture. Après, il parlait probablement avec maman de choses qui ne me regardaient pas. Je m'en souviens plus. Et puis rigoler, quoi, et plaisanter avec nous. Tu penses que c'est ça qui les rapprochait avec Alice, c'était la peinture ? Je ne sais pas. Maman peignait beaucoup à cette époque-là, donc je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas quel a été non plus le degré de leur relation. Si c'était uniquement une amitié ou une amitié amoureuse, je ne sais pas. Ma mère a conservé de Sam des souvenirs de petite fille. Ce qu'elle me dit fait surgir plus de questions que de réponses. Quel peintre était Sam ? Était-il d'un naturel joyeux ou était-il accablé par son expérience d'Auschwitz ? Qui était cette Rolande de Pape dont parlait ma grand-mère dans sa lettre au cimetière ? Et puis, est-ce que Sam et ma grand-mère ont eu une relation amoureuse ? Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que supposait la promesse que j'avais faite à ma grand-mère. Celle de rechercher les traces de la vie de Sam. Sam a été oublié. Reconstruire sa vie à partir des quelques bribes à ma disposition va demander du temps et de l'organisation. Il me faut surtout en parler avec quelqu'un qui peut m'aider à y voir plus clair, quelqu'un qui a déjà fait ce type d'enquête et dont c'est le métier de chercher des traces dans les archives, un historien. Yvan Jablanka, je viens vous voir parce que je suis tombé sur cette pochette chez ma grand-mère. Et j'aimerais me lancer dans une enquête à partir de ces fragments. Et comme vous avez écrit cette fameuse enquête « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eue », vous avez déjà fait un peu ce travail et je compte sur vous pour me donner des pistes dans lesquelles je pourrais aller fouiller, que ce soit dans des lieux d'archives ou d'autres lieux auxquels je ne pourrais pas penser spontanément. La chemise rouge là, que vous me présentez me fait penser à ce qu'il y a dans de très nombreuses familles, c'est ce que j'appelle la boîte à biscuits. Il n'y a plus de biscuits, mais en revanche, il y a tout un tas d'archives familiales. Ça peut être le diplôme du grand-père, une lettre que le grand-père ou la grand-mère s'écrivait pendant une guerre mondiale. Ça peut être des bijoux, ça peut être des vieilles photos avec le bord cranté, puis les photos en noir et blanc. Alors vous, c'est une chemise de couleur rouge bordeaux. Alors je précise aussi que Sam, le prénom Sam est écrit en blanc. Et moi, je pense que c'est pas un hasard parce que Sam est un blanc de l'histoire, de votre mémoire. Alors on va essayer de, je vais pas dire de donner de la couleur à ce blanc, ni même de le mettre noir sur blanc. Ce que je pense, c'est qu'on va essayer de cerner ce blanc. Et ça, c'est le travail de l'historien. Donc photo, noir et blanc, ouais. Là je vois un bel homme de 30 à 40 ans, assez musclé, qu'on devine, je sais pas, il est torse nu, il est peut-être, c'est peut-être l'été, au bord d'une plage. Mais enfin ce qui est rigolo c'est que c'est pas la caricature du juif de ghetto, enfin bon voilà, c'est un bel homme, bronzé, avec une certaine... force dans le regard, et puis il monte son biceps. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup, des Sam comme ça. Du coup, ma grand-mère a aussi trouvé donc, un certificat d'inhumation. Ce qui est étonnant, c'est que votre grand-mère écrit au service des cimetières. C'est une espèce d'enquête post-mortem dans le monde des cimetières. Je ne crois pas que les cimetières soient capables de lui dire grand-chose sur Sam. Moi, je pense que les enquêtes, ça doit être des enquêtes de vie. Enfin, je veux dire, on doit faire des biographies. Et d'une certaine manière, un certificat d'inhumation, c'est tout le contraire. Alors évidemment, elle a fait ce qu'elle a pu, et d'ailleurs, c'est souvent comme ça dans les familles. On fait ce qu'on peut, on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Moi, quand j'ai commencé l'enquête sur mes grands-parents, je n'avais vraiment qu'une nécrologie, c'est-à-dire juif, Pologne, communisme, exil en France. Alors avant l'exil en France, quelques années de prison en Pologne, ensuite l'exil en France, la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy, Auschwitz. Et ensuite, après, j'ai essayé de faire justement une biographie. Alors, dans le cas de Sam, c'est un peu intermédiaire, parce que votre grand-mère, elle savait quand même un certain nombre de choses. Elle avait, d'abord, les dates sont précises, date de naissance, arrestation par la Gestapo, c'est quand même des dates très précises. Bon, il a fait une grave dépression nerveuse, séjour en HP, on apprend que Sam s'est suicidé, et puis elle donne quand même des informations assez intime et assez émouvante sur les gens qui l'ont connu, les amis de Sam, notamment des femmes, hein, Marie-Rose, Mimi, et puis on sent une vraie émotion. Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi Alice, votre grand-mère, a éprouvé le besoin d'enquêter sur Sam. C'est pas simplement qu'il avait disparu, parce que ça, hélas, des disparus, il y en a des millions. Sans doute qu'il y avait une relation intime, enfin une relation d'amitié ou d'amour, enfin, il y a eu une rencontre en tout cas. Moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi ma grand-mère a enquêté sur Sam. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Si ma grand-mère a eu une relation amoureuse avec Sam alors qu'elle était mariée avec mon grand-père, il y a des chances qu'elle n'ait pas laissé beaucoup de traces. Et Sam n'était pas de ma famille. Je n'ai donc pas ses lettres intimes, ses carnets ou tout autre objet que l'on peut retrouver dans le grenier de ses grands-parents. Sam, à ma connaissance, n'a pas eu d'enfant. Et donc je ne vois pas à qui il aurait pu léguer quoi que ce soit. Les traces de Sam que j'ai des chances de retrouver sont dans les archives administratives, dossiers médicaux, dossiers judiciaires, militaires ou bien scolaires, tout ce que l'État garde comme traces des individus. Et j'ai peur de réussir à n'esquisser qu'un portrait froid, bureaucratique de la vie de Sam. J'ai peur de passer à côté de ce qu'il a rendu vivant, ses amis, ses amours, ses passions, sa peinture. J'ai peur aussi parce que je ne sais pas ce que je cherche au travers de Sam. Moi, je pense que dans ce genre d'enquête, il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est la généalogie, de faire simplement une micro-histoire intime, familiale, qui au fond n'aura d'intérêt que pour le cercle privé. Et le deuxième écueil, c'est ce que j'appellerais la religion de l'unique. Croire que Sam était unique. Quelqu'un qui revenait de déportation dans les années 50 et qui essayait de refaire sa vie, mais vous pensez bien qu'il y en avait des centaines, des milliers. Ou dans un autre domaine, un domaine plus professionnel, un peintre dans les années 50, 60, qui essaye de percer et qui s'inspire aussi bien du fauvisme que du cubisme, que du jazz et du monde du caveau, mais il y en avait des douzaines. Et là, à l'intersection de ces deux mondes, il y a Sam. Et là, je crois qu'on a un petit peu avancé. On va pas retrouver l'en-soi de Sam. On va pas trouver son idiosyncrasie, enfin ce qui faisait l'unicité de cette personne. Mais sociologiquement, on va le cerner, on va cerner le blanc. À quoi ça sert de raconter ces histoires ? Moi, je fais ça pour la grande famille. Ce que j'appelle la grande famille, c'est ma famille, mais aussi les juifs, les enfants de déportés, les petits-enfants de déportés, ceux qui ont été en deuil après la Deuxième Guerre mondiale, ceux dont la famille a été mutilée. Et plus largement, la grande famille, ça inclut aussi tous ceux qui ont des disparus dans leur famille. Et ce que j'appelle les disparus, selon les contextes, hein, il y a des disparus en France, au Chili, en Argentine, en Espagne, après la guerre civile, en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Cambodge, bref. Les disparus, c'est des gens qui étaient comme vous et moi, et qui ont été assassinés dans un contexte de guerre mondiale, de génocide, de guerre de décolonisation. Et ça, non seulement ils sont morts, mais il n'y a plus aucune source sur eux. Et je pense que c'est pour ça qu'on a tellement de mal à parler de Sam, et c'est aussi pour ça que c'est passionnant d'enquêter sur Sam et en même temps émouvant. Souvent, autour des puits, il y a une margelle, une espèce de petite construction en briques qui empêche que les vivants tombent dans le trou, tombent dans le puits. Bon, ben, faire de l'histoire, c'est construire une margelle autour d'un puits pour répondre à ce manque et pour se consoler de l'inconsolable, pour essayer de s'approcher d'eux, de s'approcher des disparus. On les rencontrera pas, on les rencontrera plus. Mais voilà, on peut essayer de sentir la chaleur de leurs cendres. Se lancer dans une enquête, c'est chercher une diversion. On croit plonger dans le cœur des choses, alors qu'on cherche seulement à échapper à nous-mêmes. Et pour ça, moi j'ai plongé dans ce que la vie et l'histoire ont de plus terrible. Je ne sais toujours pas ce que je cherchais en commençant cette enquête. Une place, des racines, une histoire, ou bien je cherchais à faire le deuil de ma grand-mère, morte quelques mois après notre conversation sur Sam. Alors bien sûr, ce projet est en sa mémoire, en la mémoire de Sam, de Marie-Rose et de Rolande, à celle de mes ancêtres protestants persécutés, qui reposent dans notre petit cimetière privé dans le jardin de ma mère en Ardèche. Alors, je vous propose de m'accompagner dans cette promesse et d'aller chercher non pas ce qui a provoqué la mort de Sam, mais ce qui a fait sa vie. Il y a une chose qui m'a surprise quand on a commencé à discuter, c'est que vous avez évoqué uniquement la vie de Sam après sa déportation, à son retour d'Auschwitz. Mais là, il y a une petite erreur de perspective due au fait que ce qui vous paraît le plus important dans sa vie, c'est sa déportation et le fait qu'il a survécu et qu'il est un rescapé. Mais quand il a été arrêté et déporté, il avait quoi, une vingtaine d'années? Bon, ça veut dire que il avait déjà eu une petite enfance, une adolescence, une jeunesse. Moi, je m'intéresserai à cette période. Je suis prévenu. Dans cette enquête, je dois me méfier de mes angles morts. Et je ne sais pas si ce sont les mots d'Yvan Jablonka qui m'ont influencé, mais ce qui ressort alors de mes premières recherches sur Internet, ce ne sont pas les traces de Sam, mais celles de son père, Ephraim Mandelbaum, de sa femme Rivke, et autour d'eux, de tout un monde disparu, dans lequel Sam a grandi. Celui des peintres yiddish de l'école de Paris et du Montparnasse de l'entre-deux-guerres. Un monde dont j'ignorais tout, et dont ma grand-mère ne disait rien dans son article. C'était « Ce souvenir de Sam ». Premier épisode, « La pochette rouge ». Avec Alice Colanis, Françoise Thévenet et Yvan Jablonka. Lecture, Hélène Losseur. Ce projet a reçu le soutien de l'aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques du ministère de la Culture. Merci à toutes les personnes nombreuses qui m'ont aidé dans mes recherches et dont la liste est sur le site de l'émission. Prise de son, Lucien Lefebvre, Thibaut Nassimben, Jacques Hubert et Christophe Papon. Mixage, Éric Boisset. Stagiaire, Alice de Roche-Lallemand. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Carvran. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Séverine Cassard.